ce crime rituel, ce meurtre rituel, c'est vous qui ont assassiné Junior. Pas seulement parce que vous êtes journaliste. C'est nous tous qu'ils ont assassiné. Parce que vous savez ce qu'on vient de faire? Une fois de plus, on vient de nous ôter notre humanité. On vient de nous ôter notre humanité. Simplement inacceptable. Et nous sommes là dans la continuation d'une dérive criminelle de l'État du Cameroun. D'une dérive criminelle qui a commencé depuis l'indépendance, même avant, l'État camerounais, je l'ai déjà dit, est non seulement né dans la corruption, mais né dans le crime. Le crime, la colonisation, c'est un crime. L'acte fondateur de l'État du Cameroun s'est fait par crime de masse. Afrique Média, le monde, c'est nous.